Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. On va parler de chasse avec notre collaborateur Claude Roy. Salut Claude! Hey, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Claude, tu veux nous parler d'odeur corporelle et de camouflage aujourd'hui? D'odeur corporelle, j'imagine. Ben là, le temps chaud, c'est pas mal terminé, là. Il a fait tellement chaud que c'est pas nécessairement bon pour la chasse dans ce temps-là, hein? Ben, c'est pas que c'est pas bon. C'est que les animaux bougent pas. Tu sais, ils sont comme nous autres. Ils aiment pas pourquoi ils iraient transpirer pour rien? Pourquoi ils iraient se mettre dans la chaleur pour rien? Donc, ils vont rester vraiment camouflés sous les arbres, ils vont marcher moins, ils vont se déplacer moins, donc ils vont être un peu plus durs à voir et à trouver, sauf que les gens vont faire de la chasse fine, ils vont s'en approcher en faisant ce qu'on appelle de la chasse fine, c'est-à-dire marcher vers le gibier au lieu d'attendre que le gibier vienne à toi, mais ça prend des spécialistes, ça prend des gens qui sont habitués de marcher en forêt, donc on marche, je compare tout le temps ça à du tai chi. Donc, on dépose le talon en premier, on évite de marcher sur les branches, donc on dépose le talon et on rabat le pied par en avant. Donc, à la fin de la journée, tu vas avoir fait du tai chi toute la journée parce que tu te déplaces avec tes pieds de gauche à droite, mais vraiment tranquillement, exactement comme des gens qui font du tai chi. Okay. Donc, ça devient très, très, très, très dur de fonctionner comme ça en forêt avec un arme et tout l'équipement, puis surtout quand il fait chaud. Donc, les gibiers se déplacent pas, mais toi, tu transpires. Mm-hmm. Et là, depuis des années, ça fait, je te dirais, 20 ans, les compagnies se sont vraiment battues pour offrir des vêtements avec du charbon à l'intérieur. Donc, ils vont camoufler les odeurs. Les gens vont essayer de se mettre plein d'odeurs sur eux pour camoufler leur odeur en pensant que c'est l'odeur à mettre. Mais je dis toujours aux gens, ceux qui vont en forêt, toi, je sais que tu me dis que tu vas pas en forêt, non. Même tu sais, t'aimes pas la chasse, mais tu vas pas en forêt. Ben, en forêt, comme tel, quand tu te promènes, ça sent pas la moufette, puis ça sent pas leur nord. Donc, les gens qui se mettent de l'odeur de moufette en pensant qu'ils vont camoufler leur odeur, ben, c'est le contraire, parce qu'en réalité, ça sent jamais la moufette. La moufette, ça va sentir la moufette si c'est écrasé par un auto. Ouais. Mais dans le bois, ça ne sera pas écrasé par les orignaux, une moufette, là. Puis ça n'a pas peur d'un orignal qui s'approche, puis ça ne pissera pas sur lui. Ça va le faire peut-être pour un renard qui va vouloir s'attaquer une moufette, mais même les renards savent très bien ce qui va arriver s'ils veulent s'attaquer une moufette. Donc, dans le bois, ça sent jamais la moufette ou ça sent jamais le renard. Mm-hmm. Ça sent, à l'automne, ça sent la terre, ça sent les feuilles mortes. Ça sent la terre. C'est ça que ça sent. Okay. Donc, puis notre corps dégage énormément d'odeurs, surtout dans un endroit où les gens ne se protègent pas. Okay. La place où on dégage le plus d'odeurs, c'est en arrière des oreilles, dans le cou et sur la tête. Okay. Donc, les gens vont se mettre des casquettes, ils vont se mettre des cagoules, mais quand il fait chaud, ils vont dire, ben, on enlève ça. Ben, en réalité, toute ta transpiration... L'hiver, on va porter une tuque. Pourquoi les Noirs portent des tuques en plein été? C'est parce que ça tempère leur corps, ça empêche leur corps de se déshydrater et ils gardent la chaleur. Donc, c'est pour ça que les Noirs ont tout le temps des tuques sur la tête, même en été. Donc, quelqu'un qui va enlever, par exemple, sa casquette, ben, toute l'odeur va sortir par ses cheveux, par l'arrière des oreilles et le cou. Donc, je dis toujours aux gens, la principale place où vous devez vous camoufler au niveau des odeurs, c'est en arrière des oreilles puis le cou. Mais là, on sent pas, nous autres, comme tel, mais le gibier a cette façon à lui de se protéger de tous les prédateurs possibles, y compris l'homme, parce que même s'il voit pas beaucoup, même s'il dit, comme par exemple un orignal ou un chevreuil, ça distingue les formes, mais ça ne va pas nettement. Donc, les deux sorts oranges, comme tel, ils voient une plaque, mais si la plaque ne bouge pas, si le chasseur ne bouge pas, ben pour lui, ce n'est pas un danger. Il ne voit pas la plaque orange. Il voit une plaque, mais elle ne bouge pas. Par contre, l'odeur, et il va essayer par tous les moyens de sentir qui est là. Et la principale chose qui va se dégager, c'est l'odeur qu'on va avoir au niveau du cou, de la tête et derrière les oreilles. Donc, essayez pas de camoufler vos bottes, votre vêtement. Arrêtez de mettre de l'urine partout sous vos vêtements en pensant que le gibier vous sentira pas. C'est, il y a des savons, il y a des produits maintenant qui sont vraiment neutres, des savons neutres pour se laver la tête et s'assurer toujours que si on transpire au niveau des oreilles et du cou, parce que comme tu dis, c'est toujours là qu'on dégage le plus d'odeur, donc c'est de s'assurer d'avoir des petites serviettes imbibé de ces savons-là pour régulièrement se passer ça dans le cou, par derrière des oreilles, okay, pour pas dégager d'odeur. L'odeur est minime, mais elle est ressentie par les gibiers d'une façon incroyable. Donc, c'est vraiment... Puis là, il y a un parfum qui est plus que les autres. Ça s'appelle odeur de terre. Donc, toutes les compagnies ont ça, ce genre de spray-là, en bouteille avec un vaporisateur. C'est odeur de terre ou odeur de feuilles mortes. Et ça, quand on est stationnaire à un endroit, on va l'en mettre sur nos bottes, parce que les bottes, bien, des fois, il va y avoir du caoutchouc qui va sentir le caoutchouc. On va l'en mettre sur nos bottes. On va peut-être même se mettre les mains dans la terre pour se frotter les mains ensemble pour éviter qu'on ait ça. Ou on pourrait prendre la même chose, de la terre, frotter dans nos mains les feuilles mortes et se mettre ça dans le cou, se mettre le résidu dans le cou et en arrière des oreilles pour éviter justement qu'on dégage l'odeur corporelle qui est importante pour le gibier. C'est la principale chose que le gibier détecte, c'est notre odeur corporelle. OK. Camouflage maintenant. Oui. Bon, au niveau du camouflage, ça avec, les compagnies ont, ouais, ont vraiment redessiné, refait des patrons, et je dis pas que ça prend 3-4 habits. Ouais. Il faut toujours remarquer à quelle place on va chasser. Si on chasse dans le bois franc, ou dans le sapinage, les couleurs d'habits de chasse ne sont pas les mêmes. Donc, on achète un habit de camouflage en pensant qu'on se camoufle, mais si on s'en va dans le conifère et on se met du tree bark, qui est un camouflage d'écorce, on n'est pas camouflé beaucoup. Donc, ça aussi, il faut faire attention dans quel secteur on va. Je ne dis pas que ça prend 3-4 habits de chasse, mais il reste quand même qu'on essaie de trouver quelque chose de plus neutre possible pour se camoufler. Okay. Mais c'est pas le camouflage comme tel. Pendant des années, on est allé à la chasse avec des vestes à carreaux rouge et noir. Puis on se met un habit de camouflage qui vaut 400, 500, 600$. Puis par-dessus ça, on se met un dossard, puis on n'arrête pas de bouger à gauche, à droite, puis on n'a pas camouflé nos odeurs corporelles, donc ça donne pas grand-chose. Je dis pas que les habits de chasse ne servent à rien. Ils servent, il faut se trouver un habit de chasse qui va respirer, qui va lui permettre d'avoir chaud, qui va nous permettre d'éviter de transpirer. Donc, c'est des tissus qui vont être conformes à la nouvelle technologie ou les nouvelles approches de chasse. Donc, le camouflage, il y en a différents sur le marché. Il faut simplement essayer de trouver celui-là qui est conforme au style de forêt dans lequel on chasse. Okay. Mais le plus important, c'est pas nécessairement l'habit de camouflage, comme l'odeur corporelle. Claude, l'histoire des feuilles, c'est-tu un mythe sur les feuilles? Quand les feuilles tombent, c'est meilleur pour la chasse, on les voit plus ou c'est vrai? Ben, c'est-à-dire que c'est vrai parce que la forêt étant dégarnie, un orignal, contrairement à ce qu'on peut penser, un orignal dans le bois, c'est complètement invisible. Okay. Même si c'est une grosse tache brune, ça se camoufle en arrière d'un paquet de branches. Tu le verras jamais, tu vas le voir à la dernière minute. Donc, c'est bien évident que quand on a un automne où, par exemple, il y a du grand vent, puis les feuilles tombent abondamment des arbres, à ce moment-là, les arbres deviennent très clairsemés et ça va nous permettre de voir davantage le gibier. Okay. Mais ça aussi, je vais revenir à une prochaine semaine où on va parler du fameux tir de chasse, à quelle distance on doit tuer nos bêtes ou chasser nos bêtes, parce que ça aussi, on a... ce matin, on a un plus bel exemple dans le journal avec un gars qui a tiré sur un de ses amis en Anticosti, pensant avoir vu un chevreuil, donc ça aussi, on va en parler. Bon, Claude, très, très, très, très intéressant, même si je te l'ai dit, j'aime pas la chasse, c'est quand même intéressant, pareil, de t'entendre. On voit que t'es passionné, puis tu sais, les gens qui sont passionnés de tel sujet, là, ben, quelque part, ils font découvrir, puis ils rendent ça intéressant quand même. Puis je suis pas mal content de t'avoir. Ben, écoute, il s'agit simplement aussi que les gens, comme je t'ai mentionné, que les gens t'envoient des questions, ou t'envoient des commentaires, vu que comme tu es sur Facebook, ben, que les gens puissent au moins t'écrire pour qu'on puisse avoir Si jamais je peux répondre à certaines questions, ça me fait plaisir. J'ai pas la science infuse. Je dis pas que je connais tout, mais je vous parle simplement d'expérience personnelle et c'est ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines avec ces chroniques de chasse. Ben, merci beaucoup, Claude. Claude Roy, notre collaborateur de chasse.